Bingo! Ho, ho, ho, ho! Nintendo a inventé un plan biais, et il y a son frère à lui, que trop souvent on oublie, c'est Luigi. Maintenant ça va un peu mieux, mais quand même, il était toujours en arrière, c'est tant mieux ou bien tant pis, c'est Luigi. C'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, c'est le frère à Mario, c'est Luigi. Il a commencé dans Super Mario 1, mais quand on prenait joueur 1, il y en avait un qui se cachait, c'est Luigi. Il a tenté de venir à d'autres jeux, même dans Mario Party, mais il était toujours sans vie, c'est Luigi. C'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, yeah. C'est le frère à Mario, c'est Luigi. C'est Luigi. C'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, c'est le frère à Mario, c'est Luigi. Mamma mia! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es une souris ou un homme? Je suis ni l'un ni l'autre! Je suis une boule mouillée! C'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, c'est le frère à Mario, c'est Luigi. Et le jour où la GameCube est sortie, il a eu son jeu à lui. Oui, la manoir morbide, c'est Luigi. Enfin, sa vraie valeur est connue. Il a pas peur des tortues et des fantômes de chez lui. C'est Luigi. C'est Luigi. C'est Luigi. C'est Luigi. C'est Luigi. C'est le frère à Mario, c'est Luigi. C'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi, c'est Luigi. C'est le frère à Mario, c'est Luigi. I'm Luigi, number one.